بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هدى أما بعد فaujourd'hui le 18 du mois de Dhul Hijja de l'année 1443 après la hijra de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous entamons le 22e cours de notre série d'assises sur l'explication des fondements de la sunna de l'imam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal al-Shaybani rahimahullahu ta'ala. Avant de commencer cette nouvelle partie, je vous avais dit la semaine passée que j'allais traiter quelques sujets qui sont, comme cette nouvelle partie que l'on va commencer aujourd'hui, de même que la partie qui suit, qui sont encore en rapport à ce fondement des gens de la sunna qui est l'obéissance, l'écoute, l'obéissance du gouverneur des musulmans. Ces sujets qui sont des sujets importants sont les suivants. Le premier de ces sujets, le sujet qui concerne la manière de conseiller le gouverneur des musulmans. On a dit que il n'est pas permis de réprouver le gouverneur de manière apparente, de parler de ses défauts, de l'insulter, de le dénigrer, de le blasphémer. J'utilise le terme blasphémer car il va venir avec nous dans le livre ici. Et blasphémer veut dire en français tenir des propos injurieux envers ce qui est sacré ou respectable. Donc ce terme est bien utilisé ici dans la traduction. Donc tout ceci est interdit envers le gouverneur des musulmans. Comment donc les musulmans peuvent conseiller celui qui est à leur tête et qui les dirige? Il est rapporté dans la sunna la manière de conseiller le gouverneur. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans ce hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed et autres, qui est un hadith authentique, il dit dans le sens de ses paroles, celui qui désire conseiller l'autorité, le gouverneur, qu'il ne lui affiche pas cela, qu'il ne fasse pas ce conseil de manière apparente, devant tout le monde, mais plutôt qu'il le prenne par la main et qu'il se retrouve seul avec lui. S'il accepte son conseil à ce moment-là, ceci est une bonne chose. Sinon, il aura fait ce qui lui incombait. Ceci est la parole approximative de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous voyons dans ce hadith donc qu'il n'est pas autorisé de parler sur le gouverneur, de le conseiller selon ce que certaines personnes prétendent, mais j'ai bien dit parler sur lui, parce qu'au moment où la personne montera sur le minbar ou pendant un cours de science ou sur les réseaux sociaux ou dans les médias prétendra faire le conseil au gouverneur en lui disant tu fais ceci, tu fais cela, ittaqillah, crains Allah tabaraka wa ta'ala, ceci devant tout le monde. Ceci n'est pas un conseil à ce moment-là. Ou ceci n'est pas la manière légiférée de conseiller le gouverneur. Plutôt la manière légiférée, celle qui est rapportée dans ce hadith. Ceci, que le gouverneur soit présent devant toi au milieu d'un groupe de gens ou qu'il ne le soit pas. Et ceci est bien pire lorsque le gouverneur n'est pas présent. C'est-à-dire que ceci n'est pas permis, même si le gouverneur est devant toi, si tu fais cela au milieu d'un groupe de gens. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith a dit qu'il le prenne par la main et qu'il se retrouve seul avec lui, qu'il lui fasse ce conseil en aparté. Donc qu'il soit présent devant toi, mais au milieu d'un autre groupe de gens, tu ne rentres pas dans la portée de ce hadith. Et ceci est pire encore lorsque ce dernier est loin, lorsque cette personne le réfute ou prétend le conseiller par l'intermédiaire des médias, d'un cours, d'une khutbah, etc., etc. Ceci est pire encore. Et comme je l'avais expliqué la semaine passée, comme à d'autres occasions, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam que certaines de ces personnes utilisent pour légitimiser cet acte, ils disent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a bien dit, le meilleur des combats est une parole de vérité auprès d'un gouverneur injuste. Inda sultanin ja'ir, inda, auprès de lui. Et nos savants ont réfuté ces personnes-là en leur disant, bien sûr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cette parole, c'est une parole de vérité car elle vient de lui sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est un hadith authentique. Mais il a dit inda sultanin ja'ir, auprès d'un gouverneur injuste. Est-ce que lorsque tu es à des centaines voire des milliers de kilomètres de lui, dans ta mosquée, dans ce média que tu tiens, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans les médias comme les journaux, etc., est-ce qu'à ce moment-là, tu as appliqué cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et tu rentres dans la portée de ce hadith lorsque tu as fait cela et tu n'es pas indahu, tu n'es pas auprès de lui, plutôt tu es à des milliers de kilomètres ou par l'intermédiaire de ses réseaux, etc. Sans aucun doute, tu ne rentres pas dans la portée de ce hadith. Donc voici la manière dont tu as de conseiller le gouverneur, la manière légiférée. Et bien sûr, cette chose-là n'appartient pas à l'ensemble des musulmans, car le conseil, que ce soit pour le gouverneur ou autre que le gouverneur, il y a des règles à suivre afin que ce conseil soit prodigué de la meilleure des manières et afin que le but pour lequel tu prodigues ce conseil se réalise. Le but pour lequel tu prodigues ce conseil, ce n'est pas pour te faire plaisir à toi-même, mais plutôt pour qu'il soit accepté. Donc si le conseil est prodigué d'une manière qui n'est pas la bonne, par la personne de qui le conseil n'est pas attendu, par exemple, sans aucun doute, le but pour lequel le conseil doit être prodigué ne se réalise pas. Donc ce n'est pas à tout à chacun de prodiguer ce conseil, même si de base, ceci est ouvert à tout à chacun, mais ce ne sera pas à tout à chacun de le prodiguer, car le but à ce moment-là ne sera pas réalisé. Et Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, l'imam Abdul Aziz Ibn Abdillah Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, a été questionné. Ceci fait-il partie de la méthodologie de nos pieux prédécesseurs de critiquer les gouverneurs sur Al-Manabir, sur les minbar? Et quelle est la voie de nos pieux prédécesseurs concernant la manière de les conseiller? Il répondit, rahimahullah ta'ala, il n'est pas de la voie de nos pieux prédécesseurs d'afficher les défauts des gouverneurs et de les évoquer sur les minbars, car ceci amène à un désordre et au fait que les gens en viennent à ne plus écouter ni obéir dans le bien. Ceci amène aussi à discuter à propos de cela, donc de son obéissance, et à propos de ce qui nuit et ce qui ne profite pas. Mais plutôt la voie qui est suivie auprès de Salaf, de nos pieux prédécesseurs, concernant le conseil des gouverneurs, est de leur prodiguer le conseil entre nous et eux, en écrivant des lettres, en les appelant, en appelant les savants, qui eux-mêmes appellent les gouverneurs. Jusqu'à la fin de la fatwa de Al-Shir Al-Allama Ibn Baz, rahimahullah ta'ala. Le deuxième sujet que je voulais traiter aujourd'hui, que je n'ai pas eu le temps de traiter la semaine passée, concerne Ad-Dua, l'invocation en faveur des gouverneurs. Faites bien attention, j'ai déjà évoqué ça dans les cours précédents. Il faut savoir que ceci fait partie de la voix des gens de la Sunna, que ces derniers évoquent cela dans leur traité de la sunna, comme vous l'avez entendu dans ce que j'avais évoqué, la partie où l'imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah ta'ala évoque dans sa croyance qui est appelée At-Tahawiyya, évoque ce point, ce fondement concernant l'écoute et l'obéissance des gouverneurs. Il termina en disant et invoquez pour eux, et nous invoquons pour eux aujourd'hui, où les facteurs qui nous permettent de connaître le bien du mal ont changé auprès de la plupart des gens, lorsqu'une personne invoque en faveur du gouverneur, lorsqu'une personne appelle à ce que nous appelons ici, qui sont les fondements de la sunna, cette personne est traitée de suppôt, cette personne est traitée de personne qui travaille pour les gouverneurs, à leur botte. et autre que cela parmi ces paroles qu'il lance aux savants de la sunna et ceux qui les suivent. Donc ce qui fait partie des fondements de la sunna, c'est d'invoquer pour le gouverneur, pour que ce dernier soit réformé, pour que Allah Azza wa Jalla le réforme. Car dans sa réforme, il y a un bien pour l'ensemble de la communauté. À l'inverse de ce qui est connu et ce qui est répandu chez beaucoup de gens, qu'à partir du moment où une personne invoque pour le gouverneur, appelle à ce que nous appelons, cette personne est quelqu'un qui travaille pour lui. Et à l'inverse, celui qui insulte le gouverneur et qui invoque contre lui sur Al-Manabir, cette personne-là est celui qui est quelqu'un de courageux. Allahu Akbar. Quelqu'un qui contredit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam est qualifié de courageux. Et celui qui pratique la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam est celle qui a été suivie par nos pieux prédécesseurs après lui, est traité de quelqu'un qui ne l'est pas. Quelqu'un de peureux. Nous voyons que ce qui est rapporté de nos pieux prédécesseurs concernant cela, et comme nous l'avons évoqué la parole de l'imam al-Tahawi dans al-Tahawiyya, de même que l'imam al-Barbahari, rahimahullah ta'ala, dans son livre Sharh al-Sunna, a dit, faites bien attention, ce livre-là qui est un livre très important, Sharh al-Sunna de l'imam al-Barbahari, qui évoque aussi beaucoup des fondements de la Sunna, qui est plus fourni que le livre que nous étudions ici de l'imam Ahmed. Il dit dedans, dans le sens de ses paroles, lorsque tu vois un homme invoqué contre le gouverneur, sache que cette personne est un partisan des passions. Sahibu hawa. C'est un partisan des passions, c'est quelqu'un qui suit ses passions, quelqu'un qui suit les innovations. Et lorsque tu entends un homme invoqué en faveur du gouverneur pour que ce dernier soit réformé, sache que ce dernier est un partisan de la sunna, incha'Allahu ta'ala. Il rapporte aussi dans ce livre, d'après Al-Fudayl ibn Iyad, qui faisait partie de nos pieux prédécesseurs, rahimahullahu ta'ala, qui disait, si j'avais une invocation exaucée, si j'avais une invocation, soit si j'avais qu'une, si je n'avais qu'une seule évocation, c'est le sens de sa parole, si je n'avais qu'une seule évocation que je pourrais faire, invocation pardon, que je pourrais faire, ou alors si j'avais une invocation que je savais exaucer, je l'aurais faite pour le gouverneur. Il est rapporté, donc j'aurais invoqué en faveur du gouverneur. Ceci est rapporté aussi de l'imam Ahmed ibn Muhammad ibn Hanbal, imam Ahl al-Sunna, rahimahullahu ta'ala. Puis il dit, al-Barbahari, rahimahullah, nous avons donc été ordonnés d'invoquer en faveur de al-Sultan, du gouverneur, d'invoquer pour sa réforme, et nous n'avons pas été ordonnés d'invoquer contre lui. Et ceci même s'il est injuste. Car son injustice est contre lui, contre sa propre personne et contre les musulmans. Alors que sa réforme est pour lui-même et pour l'ensemble des musulmans, la masse des musulmans. Le dernier de ces sujets que je devais traiter la semaine passée est une ambiguïté. Tous ces sujets, je les ai traités un peu plus en détail dans la série de cours que nous avions fait il y a à peu près 2 ans ici dans cette même mosquée. Concernant les caractéristiques principales des gens de la sunna, revenez à ces cours pour plus de détails. Ce dernier sujet donc, qui est une réfutation à cette ambiguïté, qui est l'ambiguïté de ne devoir l'obéissance que au gouverneur général des musulmans, celui qui gouvernera l'ensemble des musulmans. À partir du moment où il y a des gouverneurs qui gouvernent chacun leur pays, même si ces gouverneurs sont musulmans, même si certains, donc, parmi ces gens-là qui ont cette ambiguïté, reconnaissent l'islam de ces gouverneurs, c'est-à-dire qu'ils ne les rendent pas mécréants, mais ils jugent que leur obéissance ou que l'obéissance ne leur est pas due, car l'obéissance n'est due qu'au gouverneur général des musulmans, celui qui gouvernera l'ensemble des musulmans et pas une simple contrée ou une simple région des musulmans. J'évoquerai ici ce que j'avais évoqué dans cette série de cours de manière résumée. La parole de l'émir As-San'ani rahimahullah dans son livre Subul Salam, donc l'explication de Bulugh al-Maram de Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah, où il explique la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapportée par Abu Hurayra radiyallahu an, où il dit sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens de ses paroles, celui qui se révolte et sort de l'obéissance au gouverneur sera certes écarté du groupe Al-Jama'a. Il dit rahimahullah, donc Al-Amir As-San'ani, sa parole, celui qui se sera écarté, qui sera sorti de l'obéissance, c'est-à-dire l'obéissance du gouverneur, celui à propos de qui les gens se seront, ou celui autour de qui les gens se seront réunis. Et ce qui est voulu par le gouverneur ici, c'est le gouverneur de chaque contrée. Car en effet, les musulmans ne se sont pas réunis autour d'une seule personne, d'un seul gouverneur, qui gouverna l'ensemble des pays musulmans. Ceci depuis longtemps, depuis l'époque de Ad-Dawla Al-Abbasiyya, c'est-à-dire l'époque des Abbasides. Plutôt, depuis cette époque-là, chacun a gouverné une région, une contrée, à sa manière, selon son propre gouvernorat. Puis, Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, dit, alaykoum salam wa rahmatullah, dans Al-Sharh Al-Mumti' ala Zad Al-Mustaqni'a, il dit, rahimahullah, dans le sens, l'imam, le gouverneur donc, c'est celui qui dirige les musulmans, c'est celui qui dirige l'affaire des musulmans. Et c'est celui qui dirige leur affaire au plus haut niveau de l'État. Et il n'est pas conditionné que ce soit un imam général, donc un gouverneur général de l'ensemble des musulmans, il n'est pas conditionné pour l'obéir, que ce soit un imam qui gouverne l'ensemble des musulmans, pardon. Car cet imam général, ce gouvernorat général, s'est arrêté, c'est-à-dire qu'il s'est arrêté pas parce que on ne doit pas l'appliquer, plutôt comme le disent les savants, si ce gouvernorat général peut être appliqué, c'est-à-dire une personne qui est à la tête de l'ensemble des généraux, des musulmans, pardon, ceci est meilleur. Donc il ne s'est pas arrêté dans la parole de Cheikh Ibn Uthaymin parce que c'est une chose qu'il ne doit pas être, mais plutôt elle s'est arrêtée car c'est ce que nous voyons depuis des siècles. Ce gouvernorat n'existe plus. Il n'y a pas une personne qui est venue à la tête de l'ensemble des musulmans. Et il dit, donc, Cheikh Ibn Uthaymin après cela, il dit, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, écoutez et obéissez, même si celui qui vous gouverne est un esclave abyssinien. Donc si une personne, il dit ensuite, rahimahullah, si une personne gouverne simplement une partie, une région, une partie des musulmans, cette personne-là aura le rang, dans ce qu'on explique ici, c'est-à-dire concernant l'obéissance qui lui est due, l'écoute qui lui est due, cette personne-là sera comme l'imam général des musulmans. C'est-à-dire qu'on lui devra obéissance et écoute, comme on le devrait à l'imam général des musulmans. Puis il dit un peu plus loin, donc dans son argumentaire, rahimahullah ta'ala, il dit, et les imams de l'islam, depuis ces temps anciens, n'ont cessé d'obéir et de reconnaître le gouvernorat de ces personnes qui ont gouverné une contrée parmi les contrées des musulmans. Puis Shir termine et conclut en disant, après cet argumentaire, nous connaissons l'égarement de certaines personnes qui prônent le fait que l'obéissance et l'écoute n'est due qu'à l'imam des musulmans, celui qui gouvernera l'ensemble des musulmans. Et donc, par cela, nous ne devons aucune allégeance à ces gouverneurs que nous trouvons aujourd'hui, qui ne gouvernent qu'une partie des musulmans, qu'une région en dehors de l'ensemble des musulmans. dans le sens approximatif de ces paroles, rahimahullahu ta'ala. Ceci pour répondre à cette ambiguïté. Puis l'imam Ahmad nous dit, rahimahullah, dans le sens de ces paroles, le combat demeurera avec les émirs. Je dis le combat, car en arabe ici, la parole de l'imam Ahmad est Al-Ghazwu Madin Ma'al Umara. Donc, le combat demeurera avec les émirs jusqu'au jour de la résurrection. Qu'ils soient pieux ou pervers, elle ne doit pas être délaissée. La répartition du butin. Ici, l'imam Ahmad nous évoque les droits du gouverneur et les devoirs envers le gouverneur. Ou certains des devoirs des musulmans envers le gouverneur, de même que certains de ses droits, les droits du gouverneur. Il dit donc, la répartition du butin et l'exécution des peines légales par le biais des imams demeureront. Les imams ici, les gouverneurs, demeureront. Nul n'a le droit de les blasphémer, ni de leur disputer le pouvoir. Donner des aumônes par leur biais est permis et valable. Les aumônes ici, ce sont az-zakawat, az-zaka, l'aumône légale, l'aumône obligatoire. Donner, malgré que l'imam Ahmed, donc ici dans cette partie, il dit as-sadaqat. Donc, bien sûr, les aumônes surérogatoires sont permises, mais ici, ce qui est évoqué ici, ce sont, même s'il dit as-sadaqat, c'est comme ça que l'on appelle aussi l'aumône légale parfois. Ici, on parle des aumônes légales, comme il va venir dans l'explication. Donner les aumônes par leur biais est permis et valable. Quiconque les leur remet, se sera acquitté de son devoir, qu'il soit pieux ou pervers. Que le gouverneur soit pieux ou pervers. Accomplir la prière du vendredi derrière lui ou derrière celui à qui il en a légué la responsabilité est permis. Elle demeurera ainsi en deux raka'at, la prière du Jumu'ah, deux raka'at. Quiconque les refait est un innovateur. Quiconque les refait après avoir prié derrière cette personne est un innovateur en religion. Il délaisse ainsi les textes et contredit la sunna. Il n'obtiendra rien du mérite du vendredi s'il ne trouve pas le caractère permis de prier derrière les imams, qu'ils soient pieux ou pervers. La sunna consiste à accomplir deux raka'at derrière eux et à accepter religieusement que ces deux raka'at sont complètes. Tu ne dois pas en avoir de doute. Cheikh Rabi' nous dit ici, Hafidahullah, après cela l'auteur dit, le combat demeurera avec les émirs jusqu'au jour de la résurrection, qu'ils soient pieux ou pervers. Nous devons combattre sous la bannière de l'imam, qu'il soit pieux ou pervers. Les pieux prédécesseurs bien guidés à l'instar de Abdullah ibn al-Mubarak, al-Awza'i, al-Imam Ahmad et d'autres imams allaient en expédition vers les frontières des terres de l'islam. Ils combattaient sous la bannière de la dynastie Abbaside, al-Abbasiyya, al-Abbasiyoun, qui était, comme on l'a déjà évoqué précédemment parmi certains de leurs gouverneurs qui étaient de grands injustes, des gens qui avaient même une croyance qui n'était pas bonne, à l'instar de ces trois califes qui ont été à la tête des musulmans, à la tête en tout cas de cette dynastie abbasside, pendant la période de l'épreuve de l'imam Ahmed et qui s'est finie avec le dernier d'entre eux. Malgré cela, ils continuaient, les imams de l'islam, à obéir et à écouter les gouverneurs et à combattre sous leur bannière. Puis il dit, rahimahullah, la répartition du butin et l'exécution des peines légales par les imams demeureront. Nul n'a le droit de les blasphémer ni de leur disputer le pouvoir. Comme je l'ai dit, blasphémer donc en français, c'est le fait de tenir des propos injurieux envers ce qui est sacré ou respectable. Donc ici, le terme blasphémer est bien utilisé pour traduire ici la parole de l'imam Ahmed, rahimahullah. Il dit, Cheikh Rabi' Habdallah, il considère que la répartition, donc les gens de la sunna, considèrent que la répartition du butin est du ressort des émirs. Il considère que l'exécution des peines légales, comme celles liées à la fornication, la peine de mort, le vol, la consommation du vin, etc., tout ceci est du ressort des dirigeants, non pas des individus ni des groupes. Ce sujet est très important. Mettez un trait en dessous de cette parole et nous l'expliquerons un peu plus tard dans un chapitre qui arrive concernant le fait de combattre les voleurs et les khawarij et le fait que ceci est permis. Mais ceci selon des conditions que nous allons expliquer. Ceci est très important. Ceci est très important. Et ceci fait partie de la voie de Al-Khawarij. Et certains parmi nos frères ne font pas la distinction entre ceci et cela. ici, le fait d'appliquer les peines légales, ceci est du ressort des dirigeants et non des individus ni des groupes. Ceci n'est pas à tout à chacun. Et ceci même si le gouverneur n'applique pas la peine légale. Il ne te convient pas à toi ni à un groupe de musulmans d'appliquer par lui-même la peine légale. Plutôt, ceci est du ressort du gouverneur et toi, tu n'es pas interrogé sur cette chose. Tu ne seras pas interrogé. C'est le gouverneur qui sera interrogé, comme vous l'avez entendu dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que nous avons évoqué précédemment. Donnez-leur leurs droits et demandez à Allah le vôtre. Si ces derniers n'appliquent pas ce qui leur incombe, toi, cette chose-là ne t'incombe pas. Ce n'est pas à toi d'appliquer cette chose si ces derniers ne l'appliquent pas. Plutôt, l'application des peines légales incombe aux dirigeants et non aux individus ni aux groupes. Puis il dit, Hafidahullah, ce n'est que le dirigeant qui s'en occupe, parce que c'est son droit, et que si les individus et groupes s'occupent de ces choses, cela pourrait entraîner l'effusion de sang et des problèmes interminables. Mais si l'autorité s'en occupe, si perverse soit-elle, les esprits se calmeront et la communauté ne s'exposera pas aux troubles. Ceci est la voix d'El Khawarij. Et certains d'entre eux dans certains pays, parmi certains qui ont pris cette voie, la voie d'El Khawarij, et malgré que ceci est expliqué clairement dans les livres des gens de la Sunna, certaines personnes qui aiment leur religion, nous n'en doutons pas, parmi les gens qui souhaitent suivre la Sunna, trouvent quelque chose en eux-mêmes sur le fait que ces peines-là ne sont pas appliquées, et sans aucun doute, l'ensemble d'entre nous trouve quelque chose en lui-même que la loi d'Allah Azzawajal n'est pas appliquée sur la terre. Mais ceci ne doit pas t'amener à faire justice toi-même, cette justice que Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné de pratiquer aux gouverneurs des musulmans et pas à tout à chacun parmi les musulmans. C'est pour cela que certains parmi les Khawarij dans certains pays se permettent, comme ceci est arrivé dans certains pays, d'appliquer la peine de celui qui boit de l'alcool ou celui qui vend de l'alcool de lui-même à cette personne. Ou alors de pratiquer la peine de celui qui a commis la fornication, ou celui qui a volé, etc., etc., etc. Comme ceci arrive encore aujourd'hui, et il y a encore peu de temps, ceci est arrivé dans certains de nos pays, comme c'est arrivé il y a quelques années en Égypte. Une personne parmi le Khawarij, il y a quelques années, une personne parmi le Khawarij s'est permis d'appliquer la peine que lui jugeait bon d'appliquer à une personne parmi les chrétiens qui vivent dans le pays, qui vendait de l'alcool. Ceci ne t'incombe pas. Toi, ce qui t'incombe à ce moment-là, en tant que musulman, sunni, salafi, c'est lorsque tu vois un munkar, lorsque tu vois quelque chose de répréhensible, de le communiquer aux autorités. Un tel, dans tel endroit, vend de l'alcool. Faites ce que vous avez à faire. Si ces derniers n'appliquent pas ce qui leur incombe d'appliquer, toi tu as fait ce qui t'incombait. Puis il dit, nul n'a le droit de les blasphémer. Cheikh Rabi' de dire ici, Havidallah, que cela soit au sujet de l'exécution d'une peine légale ou de la distribution du butin, comme l'a fait Dhul Khuwaysira. Dhul Khuwaysira At-Tamimi. Hurqus, et parfois il est appelé Hurqus avec As-Sin ou Sad. Hurqus ibn Zuhayr As-Sa'di At-Tamimi Dhul Khuwaysira. Cette personne qui, comme il est rapporté dans les deux recueils authentiques, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a distribué le butin après la bataille de Al-Shabab. L'histoire de Dhul Khuwaysira, c'était lors de quelle bataille? C'est pas parce que Kamel il est pas là aujourd'hui que personne ne doit répondre, les frères. Hafidhakumullah. La bataille de Hunayn. Lors de la distribution du butin, cette personne-là, Dhul Khuwaysira, est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit: I'dil fa innaka lam ta'dil. Sois juste. Allahu Akbar. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se permet de lui dire: sois juste, car tu n'as pas été juste dans ta distribution du butin. Et regardez, ici donc cette personne, Dhul Khuwaysira, n'a pas appliqué ce fondement de la sunna. Plutôt, il a voulu conseiller le gouverneur en public devant tout le monde. On a vu la manière de conseiller le gouverneur. A voulu réprouver une chose que lui-même a vue chez le gouverneur. Et bien sûr, son avis et ce qu'il avait vu n'était pas juste. Car qui est juste si le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'est pas, comme l'a dit lui-même à la suite de ce hadith. De même que, une chose très importante, vous voyez, que l'imam Muslim, rahimahullah, a rapporté dans son sahih, dans son recueil authentique de hadith, les hadiths traitant de l'khawarij, parmi ces hadiths, ce hadith-là, dans quel livre ? J'ai déjà évoqué précédemment. Dans quel chapitre de son sahih ? Kitab al-Zaka. Pourquoi l'imam Muslim rapporte cela ? C'est ahadith traitant de l'khawarij dans le chapitre de al-Zaka, l'aumône. Cet imam nous montre, ou souhaite nous véhiculer, une chose à travers cette œuvre, c'est-à-dire le fait d'avoir mis ces ahadiths, de les avoir apportés dans le livre de al-Zaka, qui est, comme le dit Cheikh Rabi ibn Hadi, hafidahullah, que al-Khawarij, ce sont des gens qui aiment l'argent et qui aiment al-Dunya. Et ceci malgré que ces derniers montrent en apparence que ce sont des adorateurs d'Allah Azzawajal, des gens qui, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à qui as-sahaba, les meilleurs des hommes après les prophètes et messagers, vous mépriserez votre prière lorsque vous la comparez à leur prière. Vous mépriserez votre jeûne lorsque vous le comparez à votre jeûne, à leur jeûne, pardon. Malgré cela, c'est-à-dire des gens qui ont en apparence, une apparence de personnes pieuses, des personnes qui œuvrent pour l'akhirah, sauf que ce sont des gens qui aiment la dunya, qui aiment l'argent. Et ceci, nous le voyons clairement chez Al-Khawarij, parmi les premiers, le père de Al-Khawarij, Hurqus ibn Zuhayr, Al-Sa'di, Al-Tamimi, Dhul Khuwaysira, de même que les derniers, parmi tous ces Khawarij, parmi les frères musulmans et autres, aujourd'hui. Que ces derniers, le Khuruj, la révolte contre le gouverneur, n'a été qu'une... une manière, un moyen pour eux d'accéder au trône, d'accéder à l'argent et les clés du pouvoir. Barakallahu fikum. Puis il dit, rahimahullah, donner les aumônes par leur biais est permis et valable. Il dit, hafidahullah, car le dirigeant musulman a le droit de fournir des efforts quant à la distribution du butin, il a certes le droit de le faire. Donner les aumônes par leur biais est permis et valable. Quiconque leur remet se sera acquitté de son devoir. Cheikh Rabi a d'expliquer cette partie et de dire « L'école juridique de l'imam Ahmed et celle de l'imam Shafi'i différencie la zakat apparente ou la zakat des biens apparents de celle qui est cachée ou des biens qui ne sont pas apparents. Les biens apparents, ce sont les biens, comme l'a dit ici le traducteur, le bétail et les produits agricoles, c'est-à-dire des biens qui sont apparents, que la personne ne peut pas cacher. C'est-à-dire qu'elle a des biens du bétail. Si le gouverneur ou autre que le gouverneur regarde ces biens, il sait que cette personne-là a 40 moutons, donc il se doit de donner az-zaka dessus. Cette personne-là a atteint tant par rapport à ce qu'il sort de la terre, donc il doit donner zaka dessus. Il ne peut pas cacher cette chose-là. À l'inverse, des biens qui ne sont pas apparents, qu'il a traduit ici par les biens cachés, qui sont comme le butin, les biens comme l'or et l'argent. Ce sont des choses que les gens cachent sous le matelas. Ce sont des choses qui sont cachées, que les gens ne peuvent pas savoir exactement combien tu as. Et c'est une appellation que donne Al-Fuqaha concernant Az-Zaka. Donc il dit ici que l'école juridique de l'imam Ahmed et de l'imam Shafi'i différencie la zakat des biens apparents de celle des biens cachés. Ils considèrent que la zakat apparente est remise à l'autorité. Cette zakat des biens apparentes doit être remise à l'autorité. Quant à la zakat cachée, telle que l'or, l'argent et les produits commerciaux, la personne en charge s'en occupe. C'est-à-dire chacun donne sa zakat. Chacun donne sa zakat aux ayants droit. Attention, ceci de l'imam Ahmad et de l'imam Shafi'i, de même que d'autres parmi Al-A'imma, ne veut pas dire que si l'imam, le gouverneur, demande, et ceci est son droit, à ce que Zakat al-Mal lui soit versé à lui, c'est-à-dire qu'il envoie ceux qui récoltent la Zakat pour pouvoir lui-même la donner aux ayants droit, si le gouverneur décide d'emprunter cette voie, donc envoie les personnes pour récupérer la Zakat ou met à disposition une manière pour pouvoir lui donner la zaka et que c'est lui qui s'en occupe, à partir de là, tu devras lui donner à lui. Cette parole de l'imam Ahmed, de l'imam Shafi'i, ne veut pas dire que si l'imam t'ordonne cela, tu n'as pas à lui obéir. Tu n'as à lui obéir que sur les biens apparents. Non, là on parle, si l'imam ne t'oblige pas cela, si l'imam ne met pas cela en condition. Plutôt, comme il dit Ashir ici, celui dont les moyens ont atteint An-Nisab, le quota de la zaka, que ce soit de l'or, de l'argent ou du commerce, il a le droit de donner personnellement cette zaka aux ayants droit. Certains préfèrent qu'il la donne personnellement afin qu'il se rassure que celle-ci soit parvenue aux ayants droit. Mais malgré cela, s'il la remet aux autorités, c'est permis. C'est-à-dire ici, on est dans le cas où le gouverneur ne t'oblige pas à lui donner zaka. Si tu lui donnes par les moyens qu'il aura mis en place pour ceux qui veulent la donner par son intermédiaire, si tu lui donnes, cette zaka est acceptée et tu te seras dégagé de ton obligation. En revanche, si l'autorité recommande ou oblige qu'elle lui soit remise, les gens doivent le faire. Non. Ici, la parole du traducteur recommande. On va vérifier ce qu'implique le terme recommandé dans la langue française. Mais Cheikh Rabia, dans son charah, a dit talabaha, si le gouverneur talabaha, c'est-à-dire qu'il la demande, pas la recommande, il la demande. C'est un ordre. Je vais vérifier quand même le terme recommandé en français. Est-ce qu'il est bon de l'utiliser ici? Donc en revanche, si l'autorité demande qu'elle lui soit remise, les gens doivent le faire. S'il refuse de le faire, il a le droit de les combattre comme les compagnons et à leur tête Abu Bakr, As-Siddiq, le Khalifatu Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, les combattir ceux comme les compagnons, radiyallahu anhum, et à leur tête Abu Bakr, radiyallahu anhum, combattir ceux qui refusèrent de donner la zakat. Puis, l'imam Ahmad de dire, accomplir la prière du vendredi derrière lui, ou derrière celui à qui il en a légué la responsabilité, est permis. Cheikh Rabi a d'expliquer de dire, hafidahullah, il s'agit de la prière du vendredi, accomplie derrière l'autorité ou derrière celui qui en a légué ou à qui il en a légué la responsabilité, les émirs, les juges, les imams des mosquées et autres. L'auteur dit, ici quand il dit les imams des mosquées, vous avez compris, on parle dans un pays musulman. Ici, une chose qui est importante, qu'on entend une certaine ambiguïté qui vient chez certaines personnes parmi les gens de la masse, ils disent l'imam, c'est lui qui a l'autorité. Ici pour nous, il parle ici, pour nous ici par exemple en France, l'imam de la mosquée, c'est lui qui a l'autorité. S'il t'ordonne de faire quelque chose, tu dois obéir. L'imam, il a l'autorité dans sa mosquée. L'imam, c'est lui qui a l'autorité dans sa mosquée. Mais à l'extérieur de sa mosquée, il n'a pas d'autorité sur toi. Ce n'est pas le gouverneur des musulmans. L'imam, ici, dans un pays non musulman, il n'y a pas de gouverneur musulman. Ici, l'imam, ce n'est pas lui qui a l'autorité. De même que dans certains pays musulmans ou dans certaines mosquées, ce sont des mosquées qui sont dirigé par le ministère de l'orientation religieuse, à partir de là, cet imam-là, il aurait été placé par ceux qui ont été placés par le gouverneur. Donc, à ce moment-là, il rentre dans la parole de Cheikh Rabi ici. Mais dans certaines mosquées, qui sont des mosquées, comme on pourrait dire, des mosquées qui ne sont pas sous la direction du ministère de l'orientation religieuse, comme la mosquée de quelqu'un qui aura construit une mosquée et qui ne se revendique pas du ministère, ou que le ministère ne revendique pas cette mosquée-là, c'est-à-dire que n'importe qui, même celui qui a construit la mosquée et l'imam, cette personne-là n'a rien à voir avec le gouverneur en soi, même si cette personne fait partie des musulmans et qu'il obéit au gouverneur, vous avez compris. Donc à partir de là, revenons à cela, Et ceci, bien sûr, dans les pays musulmans aussi, selon ce que le gouverneur aura donné comme pouvoir aux imams des mosquées. C'est-à-dire, on ne dit pas que l'imam de la mosquée, pareil, s'il vient chez toi, il t'ordonne de faire quelque chose, que ce soit dans un pays musulman, c'est comme si tu avais obéi au gouverneur. Non. Chacun, en fonction de l'époque et de ce que le gouverneur lui aura donné comme pouvoir. Et donc, pour répondre à cette ambiguïté, donc l'imam est celui qui a l'autorité dans sa mosquée, mais pas à l'extérieur de la mosquée. Vous avez compris ? Certaines personnes, j'ai déjà entendu cette parole de certaines personnes parmi les gens de la masse, ils disent, il faut écouter parce que c'est l'imam qui a dit, l'imam c'est notre gouverneur ici. Non. L'imam, il s'occupe de sa mosquée. Il a son autorité à l'intérieur de la mosquée. Ici donc, il dit, l'auteur dit, c'est permis, elle demeurera, donc concernant la prière de Al-Jumu'ah, c'est permis, elle demeurera ainsi en deux rak'at, c'est-à-dire celle du prière du vendredi. C'est une prière qui est valide, deux rak'at, comme nous prions le vendredi. Quiconque les refait est un innovateur en religion. Bien sûr, ceci existe. Il y a des gens qui viennent prier le Jumu'ah avec nous, mais qui refont leur prière après l'avoir prié, de même que les autres prières autres que le Jumu'ah. Qui, lorsqu'ils se retrouvent dans une mosquée, des gens de la sunna, ces gens qui ne rendent pas comme eux, mécréant les gouverneurs, qui ne jugent pas de la mécréance des gouverneurs, et par la suite de l'ensemble de la communauté, etc., comme c'est la voix de Sayyid Qutb et de ses suiveurs, Sayyid Qutb qui lui ne priait pas le Jumu'ah avec les musulmans, puisqu'il voyait la mécréance du gouverneur, et par cela, la mécréance de ceux qui ne le rendaient pas mécréant, donc la grande majorité de la communauté. Ceci existe encore, des gens qui viennent prier avec nous le Jumu'ah, qui recommencent leur prière parce que cette personne-là qui est montée sur le minbar, c'est quelqu'un parmi les gens de la sunna. Quiconque les refait est un innovateur en religion. Écoutez ce jugement de l'imam Ahmed. Quiconque les refait est un innovateur en religion. Il n'a pas suivi ce fondement de la sunna. Ceci même s'il croit en ce que croient les gens de la sunna concernant les noms et attributs d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Même concernant Al-Hawd ou Al-Mizan, la balance, le bassin et autres que cela parmi ces fondements que nous avons évoqués. Celui qui l'a refait, regardez bien, ici nous voyons clairement le sens de Al-Asl, le fondement dans cette science que nous étudions, la science du Manhaj, la science de l'Aqida, ce sens de Al-Asl, ce fondement. Donc il dit, quiconque les refait est un innovateur en religion. Certaines personnes, comme le dit Cheikh Rabi ici, certaines personnes refont la prière du vendredi, pensant qu'elles ont une excuse, soit parce qu'elles n'ont pas atteint le chiffre de 4, certaines personnes, soit parce qu'elles trouvent que la prière de l'imam n'est pas valable, pour les raisons que j'ai citées. Cette personne est pire que la précédente, c'est une innovatrice en religion. Si l'imam est un innovateur en religion, prie le vendredi derrière lui. Ne refais pas la prière. S'il est injuste, prie derrière lui, sans refaire la prière. Si tu la refais, c'est que tu es un innovateur en religion. La sunna consiste à accomplir deux rak'at derrière eux et à accepter religieusement que ces deux rak'at soient complètes. Tu ne dois point en avoir de doute. Ici, pour expliquer cette partie, il faut savoir que certains parmi les gens donc, de l'égarement, parmi le khawarij, refont leur prière de Al-Jumu'ah après avoir prié derrière les gens de la sunna. Certains d'entre eux ne prient même pas avec les gens de la sunna. Parmi eux, et encore une fois, on va évoquer une personne qui faisait partie des imams, des grands savants, mais qui s'est égaré en suivant la voie de l'Khawarij. Nous avons évoqué la semaine, pas la semaine passée bien sûr, au cours dernier, il y a deux semaines, une personne, et j'avais dit que en cette personne il y a un rappel pour nous et une exhortation. Une personne qui faisait partie des imams et des grands savants de la sunna, qui s'est égarée et qui est tombée dans la voie de l'Khawarij. Qui est cette personne que j'avais évoquée? Vous vous rappelez son nom? Salih, tfaddal. Ahsant, Imran ibn Hittan. Cette personne-là, qui était parmi les imams de la sunna, les imams du hadith, malgré cela, les grands savants, malgré cela, cette personne qui s'est mariée avec une femme, qui, comme on le dit, était très belle, qui a voulu se marier avec elle alors que cette personne faisait partie de l'Khawarij, cette femme. Et il disait, lorsqu'on l'a mis en garde, je vais l'appeler et elle va changer. Elle va revenir vers la sunna. Et c'est lui qui a changé et qui s'est égaré dans la voie de l'Khawarij après cela. Et c'est devenu une exhortation pour tous ceux qui sont venus après lui. Et nous revenons encore une fois à ces premiers chapitres des fondements de la sunna sur l'interdiction de savoir, de s'asseoir avec les gens de l'innovation, l'interdiction de se disputer avec eux en religion, l'interdiction de débattre avec eux. Regardez. Une autre personne ici, Al-Hassan ibn Salih ibn Hayy. Al-Hassan ibn Salih ibn Hayy. Cette personne-là qui faisait partie des grands savants de la sunna et cette personne qui lui s'est égarée et a suivi la voie de Al-Khawarij. Juste pour aussi rajouter, comme je l'avais rajouté il y a 2 semaines, Imran ibn Hittan qui faisait partie de l'Khawarij. Comment? On a dit, quelle sorte de Khawarij? Hein? Khawarij al-Qa'ada. Al-Qa'adiyya, Ahsant, ceux qui sont assis, ceux qui embellissent aux gens la révolte contre le gouverneur, mais qui eux ne sortent pas. Comme cela, Al-Hassan ibn Salih faisait partie de l'Khawarij al-Qa'adiyya. Cette personne qui, lui, ne priait pas le Jumu'ah. Il ne priait pas le Jumu'ah derrière les imams, les gouverneurs, injustes, comme il le dit. Et c'est une personne qui a passé des années sans prier le Jumu'ah. Cette personne, comment étaient les gens de la sunna à son époque, parmi nos pieux prédécesseurs? Comment était-il avec lui, malgré que c'était quelqu'un qui avait beaucoup de science? Comment était-il? Il est rapporté de Sofiane ibn Sa'id al-Thawri, qui est mort en quelle année? Sofiane al-Thawri. Ahsantum, 161, Ahsantum. Sofiane ibn Sa'id al-Thawri, ce grand imam parmi les imams de la sunna, qui, lorsqu'on venait le voir et on lui disait Al-Hassan ibn Salih ibn Hayy, te passe le salam, il disait Ana ala al-amr al-awwal. Moi je suis sur ce sur quoi étaient les premiers, c'est-à-dire je suis sur la sunna, je ne lui rends pas le salam. Il me passe le salam, je ne lui rends pas le salam. Moi je suis sur ce sur quoi étaient les gens de la sunna, je ne passe pas le salam à cette personne. C'est comme ça qu'il se comportait avec ces gens-là. De même ici, un petit sujet, avant de venir à un dernier point et de clôturer dessus, un petit sujet concernant le fait de prier derrière quelqu'un que tu ne connais pas et dont tu ne connais pas son manhaj. Ceci est, comme l'a évoqué ici Cheikh Rabi, une personne que tu ne connais pas ou une personne... telle et telle personne parmi l'aïma prie derrière lui. Il ne fait pas partie de la sunna de demander sur la voix d'une personne avant de prier derrière lui. Faites bien attention. Ceci est une innovation, comme l'a dit celui qui a expliqué At-Tahawiyya ibn Abil Izz al-Hanafi, rahimahullah ta'ala. Dans son explication de At-Tahawiyya, elle dit ceci fait partie des innovations. Le fait de demander sur le manhaj d'une personne avant de prier derrière lui. Ici, on ne parle pas de certains cas particuliers où une personne, il serait notoire de lui telle et telle chose et des choses qui l'ont amené à de la mécréance, etc., etc. Là, on ne parle pas de cela. Il y a certains cas particuliers, mais de manière générale, dans tous les cas, c'est une chose générale. Quand tu viens dans une mosquée ou quand tu veux aller prier dans une mosquée ou quand quelqu'un t'appelle, par exemple, pour une invitation et que tu vas être amené à prier dans la mosquée de sa ville, par exemple, ce n'est pas de la sunna de dire « mais il est sur quel manhaj cet imam ?» Quand je dis ce n'est pas de la sunna de demander sur son manhaj, sur sa méthodologie, bien sûr, avant de prier derrière lui. Mais c'est de la sunna de demander son manhaj, sans aucun doute, avant d'assister à un cours chez lui, par exemple, comme vous le savez. Et si on parle de la prière derrière lui, avant de prier derrière quelqu'un, ça ne fait pas partie de la sunna, plutôt c'est une innovation religieuse de demander, attends, avant de rentrer dans la mosquée, je veux savoir quel est son manhaj. Sur quoi est-il, avant que je puisse prier derrière lui? Faites attention, ceci est pratiqué par certains parmi les jeunes qui, parfois, ils ont une envie de suivre le manhaj. Ils ont beaucoup d'envie, ils veulent savoir, je ne vais pas prier là-bas parce que, etc., etc. Vous comprenez, faites attention à cela. De même, nous dirons que s'il y a 2 mosquées, une mosquée qui suit la sunna, avec un imam sur la sunna, et une autre mosquée qui sont des gens de l'innovation, tu ne vas pas prier dans la mosquée des gens de l'innovation, en disant, regardez, c'est la sunna. Non. Ça, c'est une mauvaise compréhension. Même si cette mosquée, et ceci rentre dans un autre sujet, même si cette mosquée est un petit peu plus loin, mais il est meilleur pour toi de te rapprocher des gens de la sunna. Ceci, même si la mosquée est un petit peu plus loin, et ceci rentre dans un autre sujet concernant la mosquée qui est le plus endroit dans laquelle tu dois prier, celle qui est la plus proche de chez toi ou celle qui est la plus éloignée. Et l'ulama parmi le fuqaha, depuis longtemps, ils ont divergé à propos de cela. Celle qui est la plus éloignée parce que tu vas plus marcher, donc avoir plus de récompenses, celle qui est la plus près parce que c'est celle de ton quartier, de là où les gens te connaissent, etc. Et il y a plein de détails dans les livres des gens de science. Ici, je ne parle pas de cela. Je parle de deux mosquées, par exemple, dans la même ville. Une qui suit la sunna, une qui ne suit pas la sunna. Tu ne dis pas, moi, je vais chez les gens de l'innovation parce que c'est un fondement de la sunna. Non, tu vas toujours mettre en avant les gens de la sunna. Tu te réunis avec eux, tu grossis leur rang. Pour terminer le cours d'aujourd'hui, regardez la voix des compagnons concernant la prière derrière les gouverneurs qui avaient des égarements, que ce soit des égarements au niveau du suivi de leur passion parmi les péchés, la perversion et autres, ou des égarements concernant leurs croyances. Vous avez entendu donc précédemment concernant ces gouverneurs abbassides, comment se comportait l'imam Ahmed, comment se comportaient les autres parmi les imams de son époque, comme vous l'avez entendu. De même que les compagnons avant eux, comment se comportaient-ils? Il faut savoir, comme je l'ai déjà évoqué, vous rappeler de cette personne qui était un gouverneur très injuste. On le donne en exemple, un triste exemple de l'injustice au niveau des gouverneurs. Quel est ce gouverneur? Vous vous rappelez? Tfaddal Soufiane. Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. On a rapporté la parole de Hisham ibn Hassan. Qu'est-ce qu'il disait à propos de lui? Tfaddal Salih. Il a tué sans raison, à peu près 120 000 musulmans. Ahsant. Il a tué sans raison. Sabran. Sans raison. On a compté ceux qui ont été tués par Al-Hajjaj. Sans raison. Sans aucune raison. Sabran. Et ils ont atteint le nombre d'environ 120 000 personnes. Al-Hajjaj ibn Yusuf, parmi ses égarements, le fait qu'il était quelqu'un qui faisait beaucoup couler le sang des musulmans, parmi ses égarements, le fait qu'il a condamné à mort Ibn Zubayr, le fils de Zubayr, Ibn al-Awwam, ce grand compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Abdallah ibn Zubayr, qui était lui-même un compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il l'a condamné à mort. Il a, pour arriver jusqu'à lui, envoyé des projectiles par l'intermédiaire de catapultes sur la maison d'Allah Azzawajal sacré, Al-Ka'ba. Et juste, pourquoi j'évoque cela, ici, il faut savoir que lorsqu'on évoque cette affaire de l'Hajjaj ibn Yusuf, qu'il a envoyé sur la Ka'ba des projectiles à l'aide de catapultes, certaines personnes se disent, comment s'est-il permis cela? Sans aucun doute, ceci est une permission qu'il se donnait sans droit. Mais les savants de l'islam, comme Cheikhoul Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, et autres, disent que par rapport à cela, ils ne justifient pas cette chose-là, bien sûr, mais ils disent que par rapport à cela, il faut bien savoir que ni le Hajjaj, ni autre que le Hajjaj, lorsque le Hajjaj a fait cela, n'avait comme but de lancer ses projectiles sur la Kaaba. Dans le sens, ce n'est pas la Kaaba qu'il a visée par cela, car une personne qui viserait la Kaaba par des projectiles, sans aucun doute, cette personne-là sort de l'islam. Une personne qui vise pour viser la Kaaba par des projectiles ou autres, cette personne-là sort de l'islam, comme l'évoque Cheikhoul Islam Ibn Taymiyyah. Mais plutôt, cette personne-là, Al-Hajjaj, a voulu, par cet intermédiaire-là, arriver à Abdallah ibn Zubayr, et son but n'était pas la Kaaba en soi. C'est juste une petite aparté. Et juste, on terminera donc sur cela. Abdallah ibn Umar, Anas ibn Malik, et autres que eux parmi les compagnons qui vivaient encore à son époque, radiyallahu anhum ajma'in, priaient derrière Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Ce grand injuste, il priait derrière lui. Et lorsque les gens, comme on le verra dans le cours prochain, les gens venaient le voir, Abdallah ibn Umar et Anas et autres, lorsqu'ils venaient le voir pour se révolter, les gens parmi les suiveurs, at-tabi'in, certains qui voulaient se révolter contre Al-Hajjaj, de par sa grande injustice, ils disaient patientez. Et Anas ibn Malik, de rapporter la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait patiente, et il disait il n'y a pas une, dans le sens de ses paroles, une, il n'y a pas un siècle, il n'y a pas une période, il n'y a pas un temps sans que celui qui viendra après soit pire que son prédécesseur. J'ai entendu cela de votre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc il priait derrière lui. De même que Abdallah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, parmi les grands compagnons, من السابقين الأولين عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. Ce grand compagnon, lorsqu'il pria un jour la prière de l'Fajr derrière un gouverneur qui était Al-Walid ibn Uqba ibn Abi Mu'it. Ce dernier qui était connu, malgré qu'il était gouverneur, ce dernier, il était gouverneur d'une contrée, parmi les contrées des musulmans. Il était connu comme quelqu'un qui buvait de l'alcool, qui buvait du vin. Il priait tout de même Abdullah ibn Mas'ud, ce grand compagnon, celui qui a appliqué au mieux, lui comme ses frères parmi les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui ont pratiqué et mis en pratique au mieux la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et tous ces hadiths que nous avons évoqués dans les cours précédents concernant l'obéissance et l'écoute du gouverneur du moment qu'il ordonne, qu'il n'ordonne pas une désobéissance à Allah Azza wa Jal. Ce dernier avait l'habitude de prier derrière lui, malgré qu'il était quelqu'un, Al-Walid ibn Uqba, qui était quelqu'un qui buvait de l'alcool, et ceci était notoire de lui. Plutôt un jour, il est rapporté que Al-Walid ibn Uqba avait bu de l'alcool avant de prier. Il pria la prière de l'Fajr, 4 unités de prière. Et Abdullah ibn Mas'ud était derrière lui, il se retourna vers les prieurs derrière eux et leur dit, est-ce que je vous rajoute ? Et Abdullah ibn Mas'ud de continuer à prier derrière lui et de lui dire une parole dans le sens, nous ne cessons d'être dans le rajout depuis ce jour-là avec toi. Ceci, leur obéissance, montre l'obéissance de ses compagnons, les meilleurs des hommes après les prophètes et messagers, ceux qui ont vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont vécu au temps de la révélation et qui ont mis en pratique au mieux la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme cela qu'ils se comportaient. Et une dernière parole concernant Abdullah ibn Mas'ud, lorsque Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu, le troisième des califes bien guidés, parmi ses grands compagnons, Uthman pria à Mina 4 unités de prière, alors que la sunna est de prier 2 unités de prière, comme le faisait après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr et Omar a prié 4 unités de prière, Abdullah ibn Mas'ud a prié derrière lui 4 unités de prière, et lorsque les gens lui demandèrent, tu priais derrière Abu Bakr et derrière Uthman et derrière Omar, et tu es sûr le fait que on prie 2 unités de prière à Mina, pourquoi as-tu prié derrière lui 4 unités de prière et tu n'as pas recommencé la prière et tu n'as pas réprouvé Uthman directement en lui disant tu pries devant tout le monde comme cela, tu pries 4 unités, etc. devant tout le monde? Non. Il dit El khilaf ou char. La divergence est un mal. Et ceci selon ce que voyait Uthman concernant cette règle religieuse, et c'est une parole sur laquelle les fuqaha ont parlé après cela. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses deux compagnons après lui, Abu Bakr et Omar, ne priaient de rak'at à Mina pour le fait qu'ils étaient en voyage ou parce que ça fait partie des rites du pèlerinage de Nusuk, etc.? C'est une chose qui est traitée auprès des gens de science, al-fuqaha. Mais ici, nous voyons que Abdullah ibn Mas'ud, malgré qu'il voyait qu'on priait 2 rak'at, malgré que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne priait que 2 rak'at, malgré que Abu Bakr et Omar après lui ne priaient que 2 rak'at, ce grand compagnon Uthman a prié 4 rak'at au lieu de 2. Abdullah ibn Mas'ud pria derrière lui 4 rak'at. Derrière le gouverneur des musulmans, il respecta son avis, il pria derrière lui, il ne se révolta pas. Wa ila huna wa billahi tawfiq wa sallallahu alayhi wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin.